C'est à mon cosy baritone, à mon cosy Manu Madeleine, Bobby Missa toilette, pas donner la vie sans pas sentir, la rumba des mailles à Madeleine.